take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be for safe, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Move on up. Ce fut en 1971 la magnifique composition de Curtis Mayfield. Cela dit, ces derniers mois chez France Télécom, le joli slogan imposé par le patron, c'est « It's time to move ». Autrement dit, il est temps de se bouger. Un bel esprit d'entreprise. Debout, tas de punaises ! Montrez-moi que vous en avez une paire ! Sinon, je vais vous faire roter du sang ! Bande de lopettes, vous allez me faire du parcours en crevant la gueule ouverte ! Résultat, 23 morts dans la boîte, et inévitablement, dans quelques minutes, nous reviendrons sur cette fabuleuse ambiance chez France Télécom. Mais pour l'heure, à 11h11, c'est le bon moment, me semble-t-il, pour te vautrer confortablement afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 171e épisode du Mangin Palace. Ainsi, découvrons immédiatement le menu de notre petite session freudienne. Eh bien, ce matin, en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, en entrée, nous te proposons notre merveilleuse Auvergnat vinaigrette, suivie de notre traditionnelle salade de sèvres sauts, le tout arrosé d'un champagne pour célébrer l'aube du bonheur. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille et bon appétit, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Polémique hortefeux, cette petite phrase prononcée il y a 8 jours au campus UMP de Seignos dans les Landes. Vous avez compris quoi ? Pour l'opposition et les associations, on le sait, pas de doute, le ministre de l'Intérieur parlait des Maghrébins. Il a dit quoi ? Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Totalement faux, répond Brice Hortefeux. Je veux juste entendre votre version. Oh non, mais arrêtez là ! On va se faire repérer là ! Non, c'est toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Finalement, pas de réponse sur le fond de la polémique et les propos tenus. Tout devrait retomber dans l'ordre après ça. OPS, la crise qui continue autour du livre enquête Hold Up, arnaque et trahison sur cette fraude présumée lors de l'élection de Martine Aubry à la tête du parti. Et hier soir, Ségolène Royal qui a donc choisi de ne pas mettre ses menaces à exécution. Alors bon, expliquez-moi, il y a certainement quelque chose qui m'échappe. Elle ne va pas directement saisir les tribunaux, mais elle accentue tout de même encore un peu plus la pression sur la première secrétaire. Écoutez. J'ai décidé de demander la vérité. Si ces faits sont vrais, la direction actuelle doit sanctionner en interne, bien évidemment. Je sais, ça veut rien dire, mais je m'en fiche. Je dis ce que je veux. Mercier ! Si ces faits sont faux, c'est encore, j'allais dire, presque plus grave, parce que ça veut dire qu'un discrédit est jeté sur l'ensemble du Parti Socialiste. Arrêtez de faire les cons, ok ? L'invité de France Inter est ce matin le député PS du Pas-de-Calais. Alors là, les mecs, j'hallucine. Ancien ministre de la Culture et de l'Éducation nationale. Oh merde ! Bonjour, Jack Lang. Bonjour. Non, pas aujourd'hui. Où j'en étais ? Manuel Valls, c'est de nouveau la tempête rue de Solferino. Est-ce que vous approuvez Ségolène Royal qui demande à la direction du PS de prendre les sanctions qui s'imposent en interne si les fraudes qui ont conduit à l'élection de Martine Aubry sont avérées ? Ah, je n'avais pas compris. Je pense, et je le dis avec beaucoup de sincérité, sans aucune forme de démagogie, que tout le monde est un peu à côté de la plaque dans cette histoire. Vous rigolez ? Vous descendez de la lune ou quoi ? Nous sommes dans un moment difficile pour le pays, la rentrée scolaire vient d'avoir lieu, les Français sont inquiets pour leur avenir, situation économique, le chômage... C'est la grande peur, l'an 1000, comme dans les bouquins de l'école. Et voilà que nous livrons de nouveau un débat qui n'intéresse personne, qui est derrière nous, alors que l'essentiel pour moi est, me semble-t-il, de préparer l'avenir. Des questions ? C'est quoi nos exigences exactement ? Comment mieux mesurer la richesse ? Comment rendre compte de façon plus réaliste du progrès économique ? Cette nouvelle manière de mesurer la croissance devrait mettre davantage l'accent donc sur la mesure du bien-être plutôt que sur celle de la production économique. Le rapport Stiglitz a été remis aujourd'hui à Nicolas Sarkozy, Zoltan, qui a promis de se battre au niveau mondial. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. La crise ne nous rend pas seulement libres d'imaginer d'autres modèles, un autre avenir, un autre monde. La crise nous y oblige. Je voudrais signaler que Zoltan n'a pas son pareil en plomberie, installation sanitaire et évacuation des eaux usées. Oui, lundi dernier, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le président de la République a rendu publiques les conclusions du rapport de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, et qui préconise, figure-toi, qu'on intègre désormais le bonheur dans les politiques publiques. Plus concrètement, il s'agit de faire une place de choix au bien-être dans la vie des gens. Une idée fondamentale qui a sans doute dû résonner intensément parmi les salariés de France Télécom qui, visiblement, sont pris au piège au cœur d'une entreprise devenue ultra-productiviste. D'ailleurs, au bout du fil, désormais, tu as parfois le sentiment qu'à France Télécom, on marche sur la tête. Je ne suis pas là pour l'instant, laissez votre message. Oui, alors bonjour. Si vous êtes satisfaite de votre message, faites le 1. Ah ben non, je ne suis pas satisfaite. Si vous voulez recommencer, faites le 2. Le 2 ? Vous avez fait le 2. Hmm ? Si vous êtes satisfaite d'avoir fait le 2, faites le 1. Le 1 ? Vous avez fait le 1. Oui. Faites le 3 si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfaite de votre message. Ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfaite d'avoir fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfaite de votre message. Mais là, je sais pas, là, qu'est-ce que je fais ? Je sais pas. Votre temps est écoulé. Hein ? Faites le 5 si vous voulez 10 secondes afin de faire le 3 parce que vous avez fait le 2. Ou faites le 6 pour 10 secondes pour faire le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2. Faites le 7 pour recommencer, le 8 pour entendre ses choix de nouveau ou le 9 pour ne pas réécouter ses choix. Moi, j'avais le 7. Vous avez fait le 9. Non, mais non, j'ai pas fait le 9. Certes, chacun se souvient très bien que le bonheur, justement, c'est simple comme un coup de fil. Ouais, enfin bon, c'était surtout un slogan publicitaire des années 90, une époque où France Télécom était encore un service public. Depuis, il y a eu privatisation. Alors évidemment, comme à chaque fois, on nous avait promis que tout se passerait bien. Seulement voilà, ces derniers mois, les choses ont un peu changé pour les employés. Mon cher ami, je vous ai demandé de venir à mon bureau ce matin pour envisager votre avenir avec vous. Mon avenir ? Oui. Vous savez que notre société est en pleine mutation, et vous vous êtes certainement posé beaucoup de questions. Nous sommes maintenant obligés de faire des choix. Et je veux les faire avec vous. Vous comprenez bien qu'il n'est pas possible de garder deux directeurs techniques pour une unité de production relativement modeste. Évidemment. Et puis il faut bien qu'il y ait un chef, et nous avons choisi Vestrat. Dites-le carrément. Je suis licencié. N'en est pas question. Au contraire, nous avons pensé vous confier une autre tâche, plus difficile. C'est à Cholet. Mais je connais. C'est là-bas que j'ai débuté. Et nous avons besoin d'un directeur sur place. Pour habiter à Cholet ? Bien sûr. Cholet, c'était à 600 km de Roubaix. Voilà la proposition que je voulais vous faire. Réfléchissez, parlez-en à votre femme, allez voir sur place. Mais je suis obligé de vous dire que votre refus me poserait des problèmes. Eh oui. Le problème de France Télécom en ce moment, ce n'est pas la suppression des postes. C'est la flexibilité. Il faut être mobile, mon vieux. Il faut bouger, a décrété Didier Lombard, le facétieux PDG de France Télécom. Il ne faut pas avoir peur de quitter son lieu de résidence, de changer de poste, d'acquérir de nouvelles compétences. Bon, pourquoi pas ? Mais tout ça au pas de course, bien sûr, sans jamais prendre en compte les traumatismes psychologiques que suscitent naturellement ces changements brutaux. Résultat, les employés sont au bord de la crise de nerfs et face à l'épidémie, il faudrait sans doute une vaste campagne de prévention. Éternuez dans un mouchoir et jetez-le après. Évitez les défenestrations. Ne vous poignardez pas pendant les réunions. Et surtout, ne signez pas un CDI chez France Télécom. N'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Eh oui, en à peine quelques semaines, France Télécom compte désormais 23 abonnés absents supplémentaires, 23 suicidés. Il faut prendre conscience de ça. 23 morts. Et alors que répond le... Comment il s'appelle déjà là ? Ah oui, Didier Lombard. Eh bien, que répond-il, ce joyeux PDG, avec son formidable slogan « It's time to move ». Vas-y Dédé, on t'écoute. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Je ne voulais pas rentrer dans un système où la communication pouvait impacter le moral d'un certain nombre de personnes qui sont par nature fragiles. Donc ne croyez pas qu'on n'a rien fait, mais il y a un sujet communication qui maintenant est au centre. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je communique, et je vais le faire dans la journée encore plus, c'est qu'il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui évidemment choque tout le monde. Eh ben, vous voyez, monsieur Lombard, ce qui nous choque ici, c'est plutôt que vous parliez de mode pour évoquer cette vague de suicide. Ce sont 23 morts, Didier. Alors, quelle serait la logique morale de cette situation ? Mais que vous soyez mis à la retraite d'office sans indemnité, non, Didier ? Et encore, tu t'en sortirais bien. Tu m'étonnes qu'après, les employés de France Télécom aient du mal à croire à la réalité du magnifique rapport Stiglitz qui préconise le bonheur. Ça fait chier que ça dure si peu. Bonheur, c'est malheureux. On en chie, on en bave, on en peut. Plus d'être malheureux. Eh oui, on n'en peut plus d'être malheureux chez France Télécom. On en crève même. Alors, au passage, sache qu'en 1971, Pasolini, merveilleux poète italien engagé, a publié une petite réflexion dans laquelle il explique qu'à l'avenir, s'instaurera un nouveau fascisme plus imparable encore que le premier, un fascisme issu de la consommation à outrance et qui détruira toutes les valeurs populaires comme l'entraide ou la solidarité, des valeurs essentielles à une société civilisée. Eh bien, ce matin, le Mangin Palace propose une solution à ces individus intoxiqués par les dérives de la compétition à outrance pour tous ces petits chefs de service qui font du zèle et qui deviennent fâcheux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les fachos sont souvent des gens extrêmement agressifs, hein, chargés de haine, de rancœur, envers les personnes qui n'entrent pas dans leurs critères. Et alors, le problème, c'est qu'ils sécrètent une sorte de boule de nerf, un peu comme un kyste nerveux, si vous voulez, qui vient se loger dans la partie inférieure du corps. Alors, ce qu'on propose, nous, ici, c'est de faire du bien à ces gens en se concentrant essentiellement sur leur région inférieure. Voilà. Allez, maintenant, on se détend, on relâche sa bile, on respire bien à fond, mon grand. Voilà. Et voilà, une bonne séance de détente, dans l'espoir, bien sûr, de répondre aux critères du rapport Stiglitz, le bien-être au bureau. Cela dit, il est à craindre malgré tout que certains managers musclés de France Télécom refusent ce stage de cool attitude avec le risque de contrarier l'avènement du bonheur. Du coup, quelle solution s'offre à nous pour essayer de les infléchir ? Eh bien, nous pourrions peut-être nous inspirer du courrier qu'a laissé derrière lui l'un des salariés qui s'est suicidé le 14 juillet dernier. Michel, 51 ans, écrit ceci. Je me suicide à cause de mon travail à France Télécom, c'est la seule cause. Urgence permanente, surcharge de travail et management par la terreur. Ah, tiens, la terreur. Eh bien, vois-tu, monsieur Lombard, si rien ne change dans ta boutique, nous pourrions peut-être t'envoyer Saint-Just, l'archange de la terreur sous Robespierre, et qui avait une idée très simple du bonheur. Abolissez la mendicité qui déshonore un état libre. Les biens des scélérats sont là pour tous les malheureux. Si vous donnez des terres à tous les malheureux, si vous les ôtez à tous les scélérats, je reconnais que vous avez fait une révolution. Mais s'il arrive le contraire, il n'y aura pas eu de révolution. Il ne faut plus souffrir un malheureux, ni un pauvre dans l'État, et nous aurons une république véritable. Français, que cet exemple fructifie sur la terre. Que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux, ni un oppresseur sur le territoire français. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Imagination. Tell them we're coming. Imagination is what we're demanding. We won't stray. You'll hear us scream and shout till they play songs we can dream about. Across the nation, dance to a different drum. Radio, c'est ce que nous propose General Electrics. Et derrière ce nom se cache non pas un groupe, mais Hervé Selters, seul Pékin derrière ses claviers. Ici, Radio Pékin. Alors maintenant, après avoir constaté avec effroi que le harcèlement moral sur le lieu de travail et les tortures mentales afin d'être plus compétitif ne conduisent étonnamment ni au bonheur ni à l'épanouissement individuel, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h27, sa curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, comme chaque année à la même période, ta fibre patriotique vibre quand arrive la date du 20 septembre et l'anniversaire de la bataille de Valmy en 1792. Mais sais-tu que le 20 septembre de la même année, c'est aussi une grande victoire pour de nombreux couples qui voient s'offrir devant eux un avenir radieux, à savoir la séparation. Et cet anniversaire a fort intrigué les voix des fantômes de la radio française. Alors écoute ce que nous rapporte notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives, au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions bien embêtés. Vendredi soir, après un rapide recensement, nous nous sommes aperçus qu'aucun d'entre nous n'était marié. Et dans ces circonstances, comment faire pour divorcer ? La loi sur le divorce, pour la première fois en France, est votée le 20 septembre 1792. C'est la dernière loi de la législative, c'est le jour de Valmy. Oui, et la loi sur le divorce va être, pour ainsi dire, parallèle à la proclamation de la République. Son préambule porte les mots suivants. L'Assemblée nationale, considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce qui résulte de la liberté individuelle, dont un engagement indissoluble serait la perte. À ce mot de jouir, des procédures farfelues se sont mises à pleuvoir de tous côtés. Un quidam qui voulait divorcer de son ancienne chaise préférée pour un nouveau fauteuil de bureau, s'est vu remettre à sa place par maître René Floriot. Le cas de divorce, qu'est-ce que c'est ? C'est un grief grave que l'on a contre son conjoint et qui est tellement grave qu'il doit justifier le prononcé du divorce. Un grief contre le conjoint, comprenons-nous bien. C'est ce que n'avait pas compris une ravissante cliente qui est venue me voir un jour et qui m'a dit « Maître, je voudrais divorcer ». Je lui ai dit « Bien, mais avez-vous un cas de divorce ?» Elle m'a dit « Oh oui, j'ai un amant que j'adore et que je voudrais épouser ». C'est pas un cas de divorce, ça. C'est un cas de divorce pour le mari, mais ça n'est pas un cas de divorce pour la femme. Pour calmer cette frénésie de séparation, Frédéric Potcher nous a raconté à sa manière une histoire de divorce bien cruelle. La dame de 46 ans a d'autres torts qui motivent le divorce en faveur du colonel. Celui d'avoir négligé de veiller aux soins de la garde-robe de son époux. Celui d'avoir livré cet homme délicat, et paraît-il poète, cet homme sans défense enfin, aux effrois de la vie domestique et quotidienne. La dame en question se voit accusée de cruauté mentale. Voilà le grand mot lâché, l'attendue clé pour la première fois prononcée en France dans une affaire de divorce. Au bout du compte, seul Desproges a bien profité de l'occasion pour mettre à exécution une rupture qu'il mijotait depuis longtemps. Je viens de rompre avec Dieu. Je ne l'aime plus. En amour, on est toujours deux. Un qui s'emmerde et un qui est malheureux. Depuis quelque temps, Dieu me semblait malheureux. Alors j'ai rompu. J'ai posté hier ma lettre de rupture. Je vous la lis. Dieu, mon grand, mon très grand, mon très haut, je ne t'aime plus. Pourtant, je t'ai aimé, dès le premier jour, rappelle-toi. Je n'avais pas 13 ans, c'était dans ta maison. Il y avait de l'or trouble aux vitraux et cette musique de fer profonde et la magie de ce parfum d'Orient qui n'appartient qu'à toi. Je me suis agenouillé, tu es venu, mon Dieu. Je t'ai reçu tout entier. Dieu fond dans la bouche, pas dans la main. Tu es entré en moi et j'ai pleuré. Ce sont des choses qui marquent une vie. Elles sont ineffaçables. Mais aujourd'hui, mon Dieu, je ne t'aime plus. Je t'en prie, oublie-moi. Je suis grain de sable et d'autres hommes t'aimeront que tu sauras aimer aux quatre coins du monde, de Beyrouth à Moscou et de Gdansk à Santiago. Ah, Dieu, pardonne-moi mes offenses, mais laisse-moi succomber à la tentation. Donne-moi aujourd'hui mon péché quotidien et délivre-moi du bien. Ainsi soit-il. Nous ne sommes pas à la veille d'un divorce, Gina et moi. Notre bonheur conjugal est plus solide que jamais. A déclaré l'époux de Lollo Brigida. Merci beaucoup, Flora Bernard, d'avoir épouillé pour nous Gina Lollo Brigida. Mais il est temps de nous séparer, Flora. Bien que l'idée d'un divorce avec vous est atroce, mais c'est à gros boules qu'il nous faut aller, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros Boules les Bains. Monique est amnésique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mange à Palace à 11h32, nous voici arrivés à l'Orée du Bois où nous attendent Jean-Claude le taillis et Monique la futaie. Enfin, du bois, il s'agirait plutôt des Champs-Élysées, puisqu'hier, nos valeureux héros ont quitté Gros Boules-les-Bains et se sont rendus à Paris pour y vivre un moment exceptionnel, la visite du Palais National de l'Élysée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Et ils ont donc débarqué sur les Champs-Élysées pour rejoindre la rue Saint-Honoré. Et là, Jean-Claude et Monique ont été surpris par le nombre de touristes attirés par cette manifestation. Des Italiens, des Allemands et même des Anglais. I was walking down the street today, I saw a girl along the way. I asked her where she's going and she said come with me. Quel chissà chi sei stata tu, t'ho visto e non ci ho visto più. T'ho detto tutto quello che pensavo di te. Oh, Champs-Élysées. Champs-Élysées, Sonnenschein, rain, rain, ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen, aux Champs-Élysées. Arrivés sur zone, Monique et Jean-Claude ont dû se fader pendant quelques heures d'attente, une queue rocco-sifredienne, avant d'atteindre enfin, et avec grande impatience, les marches du perron de l'Élysée. Pour Monique et Jean-Claude, un moment d'intense émotion. Et aujourd'hui, au Palais de l'Élysée, nous accueillons Monique et Jean-Claude de Grosboule-les-Bains. Ils pourront visiter le Salon d'Argent, où Napoléon signa l'abdication de 1815 après Waterloo, la salle à manger Paulin, décorée sous la présidence Pompidou, mais aussi la bibliothèque, pas encore déballée. Oui, sous les ors de la République, Jean-Claude, armé de son caméscope, filme tout, et il est émerveillé par la décoration. Oh putain. Oh là là, oh la déco. Oh le nouveau riche. Comment il se la pète. Oh les chiottes. Non. Alors là, il est nécessaire de corriger une erreur du Jean-Claude. Il ne s'agit pas des chiottes, mais du cabinet. Enfin, plus précisément, du bureau de Claude Guéant, le patron du cabinet de président Sarkozy. Et pendant que Jean-Claude continue à faire chauffer son caméscope, tout en retenant son envie pressante, Monique se dirige droit vers un Claude Guéant pas très jouasse. Non, ce sont les parties privées ici. Bah, c'est la journée porte ouverte, ou non? Est-ce que ça vous embête si on fait une photo avec vous? Oui, excusez-moi, pourriez-vous me dire où sont les toilettes ici? À 50 mètres sur la gauche, en sortant du palais, vous avez une grande brasserie avec tout le confort. Ah non! Jean-Claude préfère se retenir. Il n'a pas fait des heures de queue pour quitter aussitôt le palais de l'Élysée. Surtout que, à sa plus grande surprise, au détour d'un salon, il tombe nez à nez avec la seule personne qu'il espérait rencontrer ici. Nous sommes dans le bureau de la First Lady. La First Lady, la première dame de France. Évidemment, j'ai dû apprendre la Marseillaise. Je ne connaissais que l'hymne italien, mais maintenant je la connais par cœur. C'est le président qui vous l'a appris? Je l'ai apprise toute seule. Où est le téléphone permanent avec le président de la République? Alors, le téléphone permanent, mais c'est le téléphone normal, bien sûr. Ah non. Bien sûr que si. C'est ce grand-là? Voilà. Ça, c'est le téléphone. Et vous l'avez directement? Oui. Oui. Il suffit de décrocher. Je vois quand c'est lui qui appelle. Genre la guitare, vous la jouez à l'étage de l'appartement et la guitare, je la joue chez nous davantage. Jean-Claude et Monique ont donc entamé la conversation avec la First Lady, qui est ici chez elle et donc très à son aise. Monique en profite d'ailleurs pour essayer de soutirer à Carla quelques confidences avec succès. Parfois, il fait un aller-retour dans la journée, 3-4 discours, c'est inimaginable. Et d'ailleurs, c'est lui hein, qui tient ce rythme, c'est lui qui me met ce rythme. Moi, je le tiendrai pas. J'ai un rythme beaucoup plus... Plus grande rencontre. Et voilà, dès qu'il y a des filles, voilà, dès qu'il y a des dames, bonjour. Beaucoup plus agréable avec des... Ça salut. Va, excusez-moi. C'est beau, là, franchement, ça fait quelque chose. Aussi heureux, aussi amoureux, c'est fabuleux. C'est génial, on passe un bon moment. C'est vrai? Ouais. Ouais. C'est bien, vous êtes bien, alors. Oui, très bien. Hop. Oh, ben là, je vais recevoir le premier ministre d'Irak. Génial. J'ai un peu chaud de ma douce parce que j'étais faire du sport. Mais continuez à bavarder. Hein. Ah, je serais bien resté avec vous. Bon courage. Merci d'être venu nous voir. Mais Monique n'hésite pas une seconde. Et elle retient le président puisqu'elle est présente depuis maintenant un bon moment dans le palais de l'Élysée. Elle a eu le temps de se construire sa propre opinion qu'elle expose au président. Parfois, il fait un aller-retour dans la journée, 3-4 discours, c'est inimaginable. Et d'ailleurs, c'est lui hein, qui tient ce rythme, c'est lui qui met ce rythme. Moi, je le tiens. Qu'est-ce que j'en ferais, moi, cette pièce? Quoi? Ah ben, je l'égayerais, moi. Il faut de la couleur, je sais pas, moi, pourquoi pas du rose indien? Du rose? Ben, ouais, vous savez, ce qu'il faut, c'est donner un petit coup de lumière avec bah, par exemple, du papier peint doré, et puis des tissus, genre velours, et des gros coussins violets, des trucs chauds comme ça, et puis un petit peu d'encens. Ah oui, ce serait quoi, un bordel turc? Non, écoutez, moi, je vis ici, moi. Mais non, mais là, moi, je pense sérieusement. Tout rose, hein. Faut égayer tout ça un peu, peut-être des meubles en bambou. Ah, ce serait chouette, du bambou, moi. J'ai toujours rêvé de faire une pièce en bambou avec de la peau de zèbre partout. Non, mais vous êtes sérieuse, là? Mais pourquoi pas, ce serait extra. Oui, ce serait sans doute extra, mais Nicolas rappelle à Monique que lui et Carla, ce n'est pas le couple Pompidou. La déco, ils s'en foutent. Eux, leur domaine, c'est plutôt la communication. Et d'ailleurs, président Sarkozy veut immédiatement le prouver, dans la lignée de son blagueur ministre de l'Intérieur, en racontant une bonne blague. L'huissier fait entrer un monsieur qui me paraît normal, excepté ses yeux. Il avait le regard un peu fixe, il se met devant ma table... Il me dit, j'ai inventé un truc génial. Ah, je dis, mais tout ça est très intéressant, hypocrite comme il se doit. Je fais l'intéressé. Il me dit, j'ai inventé un nouveau système d'hélicoptère. Son regard se glace, ses yeux se figent, je suis un peu inquiet. Je tourne le fauteuil sur lequel il était installé, il monte dessus, il décolle, il est parti, je ne l'ai plus jamais revu. Oh non, attends, Jean-Claude ne se laisse pas impressionner, et à la différence de tous les courtisans, il annonce à président Sarkozy que sa blague là, elle est toute pourrie et pas drôle. D'ailleurs, Jean-Claude a tout filmé, et il compte bien la diffuser sur le net, car lui aussi, il veut faire le buzz. Nicolas Sarkozy exige alors aussitôt que Jean-Claude lui rende la cassette avec les images volées. Au voleur ! Au voleur ! Assassin ! Au meurtrier ! Justice ! Justicielle ! Je suis perdu ! Je suis assassiné ! On m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en vis plus. Il faut faire toutes les poursuites requises. Vous dites qu'il y avait dans cette cassette ? Il y a plein de supplices assez grands pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté. Oui, c'est sûr. Avec cette cassette entre les mains du Jean-Claude, c'est du lourd. Mais il est hors de question qu'il la rende à notre président. Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, mais aussi Monique et Carla Bruni se lancent alors dans une course effrénée à travers les couloirs de l'Élysée à la poursuite du Jean-Claude qui n'a d'autre échappatoire que de se réfugier dans les jardins élyséens. Mais Claude Guéant n'a pas l'intention de le laisser s'enfuir. C'est le choc des titans. Je sais que tu m'entends. T'es foutu. Tu pourras plus aller très loin maintenant. Tu m'entends? Bien, alors maintenant, toujours en direct du Morgia Palace à 11h41, sache que nous n'avons plus de nouvelles de notre Jean-Claude depuis hier soir. Il doit être planqué dans les jardins de l'Élysée, en possession donc d'une croustillante cassette vidéo. Toujours est-il qu'il est l'heure désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Je rappelle ici une dernière fois que dorénavant, notre facétieux reporter a décidé chaque semaine d'aller rendre visite à des universitaires pour évoquer avec eux un mot de vocabulaire. Ainsi, ce matin, dans son dictionnaire imaginaire, le mot qui compte triple pour monsieur Julien Dugast, c'est « bonus ». Alors pour en savoir plus, il est allé rendre visite à Sophie Vanisch, historienne, spécialiste de la Révolution française et pour qui l'histoire doit être un rétroviseur afin de nous aider à mieux comprendre le présent. Donc, à quelques jours du sommet de Pittsburgh, où les grandes ce monde doivent essayer d'abolir les privilèges outranciers de la finance, découvrons ensemble, juste après la virgule, ce que signifie un bonus. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Consonne B, voyelle O, consonne N, voyelle U, consonne S. Bonus. Quand j'étais petite, bonus, c'était plutôt quelque chose de très léger et c'était un plus offert avec un paquet de lessive ou je sais pas trop quoi, il y avait un bonus. Et ça, c'est un enzyme peut-être. Ça, mais c'est le cadeau du nouveau bonus. Confisqué. Oui, bonus, lui, vous offre toujours un cadeau en plus. Le mot bonus, le fait qu'il soit revenu pour parler de sommes extravagantes, c'était une manière de le faire passer un peu en loose comme quelque chose finalement pas si grave, pas si important, presque ordinaire. Écoute. Bonus. Je te dirai. Bonus. Les mots les plus beaux. Bonus. Des mots d'amour que je connais. Bonus. Parce que quand on entend le mot bonus, c'est un mot sympathique, bonus. Ouais, c'est pas faux. C'est pas un mot scandaleux. C'est pas comme privilège. C'est pas faux. Privilège, c'est un mot qui reste terrible. Mais bonus, c'est difficile, il faut comprendre. Stock option, c'est complètement... c'est comme l'écriture cunéiforme, il n'y a que les gens avertis qui peuvent savoir exactement ce que c'est. Et parachute doré, il y a quelque chose d'un peu magique, féerique. Voilà, une parachute dorée, c'est joli. Et donc il y a une espèce de mystification autour de cette terminologie que je trouve assez fascinante, parce qu'elle est efficace quand même. Mais là, comme diraient les révolutionnaires, le voile est déchiré, donc peut-être qu'il y a la possibilité de calmer ce jeu-là, ce qui ne veut pas dire réussir à passer à un système vraiment de justice, qui serait encore autre chose. Rodolphe de Beautron, le fils Moulinex, grosse fortune, un vrai SDF. Il est ruiné ? Mais non, SDF, sans difficulté financière. C'est pas qu'on méprise les gens qui n'ont pas d'argent, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi ils n'en ont pas. En tant qu'historienne, le terme bonus, ça appelle à quelle période historique pour vous ? Moi, ça me fait penser à Machiavel, quand il dit que les dominants, les possédants, ont peur de perdre et que du coup, ils ne croient pas posséder en toute sécurité s'ils n'augmentent pas ce qu'ils ont. Et comme ils possèdent déjà beaucoup, ils peuvent plus violemment et plus puissamment susciter des troubles, justement en voulant accaparer en fait la totalité des richesses disponibles. La question du bonus, de la transparence, de la responsabilité sera une question essentielle au sommet de Pittsburgh. Il y a intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de troubles dans la dernière partie de son mandat. Donc il a intérêt effectivement à ce qu'il y ait un maintien de l'ordre, et ça fait partie du maintien de l'ordre quand même, de faire en sorte que les nobles du moment comprennent qu'il faut quand même savoir s'auto-contraindre minimalement pour pouvoir maintenir cet ordre. Donc quand le roi refuse à la classe nobiliaire qui souhaite reprendre le pouvoir contre l'absolutisme possibilité, il est dans la même posture qu'un Sarkozy qui dit mais c'est pas possible, là il faut vraiment que ça se calme. Alors quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot tic-tic-tic-tic. Pas l'animal aquatique nocturne. Oui, oui. Bien. Jeudi prochain, donc, s'ouvrira le sommet du G20 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Pour l'Union européenne, l'objectif affiché est très clair, lutter contre la propagation du virus du bonus, la grippe sociale. Cela dit, il y a les discours et la réalité, car voilà un an cette semaine que la crise s'est pointée et que pour l'instant, les traders continuent de se goinfrer. Mais bon, à Pittsburgh, en Pennsylvanie, à la tête d'une Europe unie, il y aura Robin des Bois jeudi. L'Europe est unie sur un message politique fort. Nom d'un chien, j'ai encore eu un coup de génie. Nous ne voulons pas que ça recommence. Et que le scandale des bonus, que des comportements irresponsables puissent prospérer. Au prétexte que les marchés boursiers recommencent. Tant mieux. Allez, on va fêter ça, je vais chercher du champagne. Mais c'est pas ça qui nous fait changer d'avis. Les mêmes causes ne doivent pas produire les mêmes effets. Est-ce qu'on peut faire confiance à M. Obama ? Ah ! Moi, j'ai tendance, oui. Que voulez-vous ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il s'est engagé dans ses discours. Il a dit qu'eux aussi ne voulaient plus jamais ça. Ça n'est pas une philosophie bouleversante, mais bon. Eh bien, nous tous, devant les yeux du monde entier, à Pittsburgh, on aura à mettre nos... malaise. Discours en accord avec nos actes. Remalaise. Reviens donc ici, petit Gonzalez. C'est maman qui te dit ça. Sinon tu couronnes ton papa. Lui qui n'insistera pas. Si tu n'as pas fini tes leçons, ça fera du bruit à la maison. Tes devoirs sont très mauvais, tu sais. Il te faut les recommencer. Petit Gonzalez. Oui. Je t'en prie, reviens. Non, je ne veux pas. Petit Gonzalez. Oui. Pourquoi t'en vas-tu si loin? Nous verrons à ton retour, oui. Surtout si tu reviens la nuit. Je vois déjà ton père et sa main. Et là, crois-moi, oui, je te plains. Écoutez-moi et ne dis pas non. Voici ton livre et tes crayons. De moi, tu n'auras donc jamais pitié. En temps, je ne veux plus crier. Petit Gonzalez, oui. Je t'en prie, reviens. Non, je ne veux pas. grave, petit Gonzalez? Si. Pourquoi t'en vas-tu si loin? Parce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Petit Gonzalez. C'était en 1962, la divine Dalida, toujours dans la course. Aujourd'hui, course extraordinaire entre Speedy Gonzalez, la souris la plus rapide du Mexique, et Bip Bip, le volatile supersonique du Texas. Mip mip yip yip yeah, andale, yeeha, riba, riba. Alors maintenant, à 11h50, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Manche Impalas ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Manche Impalas, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, c'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors que dit la presse cette semaine, camarade? Oh là, je vous le dis tout net, la presse cette semaine est déprimée, elle n'a pas la patate. Dans Paris Match par exemple, on trouve un dossier sur le dirty dancer Patrick Suez, décédé en début de semaine. Bon, un acteur sans doute pas majeur, mais emblématique d'une génération, hein. Philippe, vous vous souvenez de Patrick Suez? Oui, moi c'est plutôt le surfeur breaker dans Point Break, mais je m'en souviens bien. Ouais, il prenait la vague, mais attention, dans le film Dirty Dancing, il expliquait à Bébé qu'elle était comme le vent. Et dans le film Ghost, vous vous souvenez, il apprenait à demi-mour que faire de la poterie, ça peut être lourd de sens. Bon, perso, moi, depuis, je peux plus regarder une amphore panathénaïque sans ressortir une douce émotion. Ça me fait tout chaud maintenant, les amphores. Bon, voilà, une icône postérisée dans des chambres d'adolescentes à la fin des années 80 vient de nous quitter. Ah, on en a gros sur la patate, hein. Et mercredi, et rebelote, nous apprenions la mort de Philippe. Philippe des To Be Free, enfin des To Be Too, quoi. Seulement 35 ans, c'est terrible quoi. Bon, moi j'ai dit là, c'est trop. Patrick Suez, Philippe, bah déjà moi j'avais du mal à me remettre de la mort de Sim. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les anciennes idoles des jeunes? Stop à l'hécatombe! Alors bon, évidemment, pour me rassurer, je me suis précipité sur un magazine pour teenagers. Je voulais prendre des nouvelles des idoles du moment. J'ai pris Star Club et je vous tranquillise. Tout va bien pour les Jonas Brothers. Ah, ils sont super bien. Vous savez, les belâtres larricains. Ceux qui ont juré de rester vierges jusqu'au mariage. Oh là là. Voilà, bon, qu'est-ce qu'ils nous disent, Star Club? Ah oui, bah, ils nous apprennent, c'est la grande info, qu'ils déménagent à Alpine, dans le New Jersey. Ah, sans doute pour y faire du cheval. Dans leur interview, les Jonas Brothers cumulent les poncifs d'idoles à midinette et à midinet. L'humour. Quand on leur demande s'ils adorent les blagues, Joey répond que pendant un concert, il a arrosé le public avec une lance à eau. C'était fun. Voilà, ça délire. Ça amuse aussi les CRS un peu. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre, les Jonas Brothers? Ah oui, ils portent une grande attention à leur look. Ah. Bon, enfin, dans l'interview, ils racontent qu'ils se sont déguisés en pot de moutarde et en pot de ketchup. Pourquoi pas, hein. Ils parlent aussi de leur garde du corps, Big Rob, qui doit bien faire 2 mètres et 1 quintal et demi. Voilà. Bon, sinon, il y a tous les poncifs, hein. Je vous passe le topo sur leur altruisme, l'importance de l'amour dans leur vie. Ah, c'est un petit détail intéressant, Philippe. Nick, qui n'a que 16 ans, voudrait être président des États-Unis quand il sera grand. Et voilà. Et il a un argument qui est assez imparable. Il dit que, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2040? On ne sait pas. Puis Schwarzenegger, il est bien devenu gouverneur de Californie. Et Reagan, président. Donc voilà, tout va bien pour les Jonas Brothers, Philippe. C'est tant mieux. La vie est belle pour eux. Elle est aussi très belle pour une autre hyperstar pour ados, Zac Efron. Zac Efron. Ça rassure. Oui, alors bon. C'est pas deux personnes. Non, c'est Zac Efron. Écoutez, je le dis tout de suite, mais pour vous et pour tous ceux qui viennent de dire à côté de leur transistor, les Jonas Brothers, c'est Zac Efron. Mais c'est qui? Vous avez plus de 16 ans. Voilà. Parce que l'idole des jeunes a ça de merveilleux qu'elle est un indicateur générationnel infaillible. Faisons un test. Si je vous dis Jean-Claude Pascal. Ah Philippe, j'entends un peu partout en France des gémissements de sexagénaires qui fredonnent nous les amoureux. Eh oui, Jean-Claude Pascal. Si je dis Rodolphe Valentino. Ah mais oui, ça frémit dans les maisons de retraite, j'entends ça. On va essayer avec Capitaine Troy. Oh là là, grosse vague de bouffées de chaleur dans les cuisines françaises. Oui, vous voyez, tous ces personnages, Philippe, font pleinement partie de la culture populaire. Ils ont marqué intensément des moments de vie. Et en cela, ils ne peuvent ni être maîtrisés, ni oubliés. Mm-hmm. Hein, c'est vrai. Ah non, ce n'est pas futile. Ni méprisé, vous vouliez dire. Ni méprisé. Oui, pas du tout méprisé. j'ai fait foum foum foum. Alors, les To Be Free, par exemple. Repartons sur les To Be Free. C'est un très bon exemple. Bon, c'est certain que dans le champ de la culture, ils n'occupent pas une place dominante. Hein. Non. Ah non, ils ne sont pas voués à la postérité, mais ils ont marqué leur présent. Alors, surtout, à mon avis, ils ont un rôle social essentiel. Parce qu'ils ont pris la place des vanités. Vous savez, en peinture, ces représentations qui évoquent la précarité de la vie. Dans quelques jours, les musées de Strasbourg ouvrent une exposition sur Hans Haug, historien d'art et conservateur, qui écrivait en 1962, dans un bouquin intitulé « L'art en Alsace », que les vanités étaient à la fin du Moyen-Âge ces revers de tableaux opposant des trépassés à l'effigie d'un homme, d'une femme ou d'un couple en pleine jeunesse. Vanitas, vanitatum, omnia vanitas, quoi. Vanité, des vanités, tout est vanité. Mais Philippe, pour mieux saisir combien cette semaine a été dramatique pour les idoles des jeunes, j'ai évidemment feuilleté Maxi Cuisine. Ah bah oui. Oui, parce qu'il est midi moins 5, et Maxi Cuisine, c'est le magazine idéal pour comprendre de quoi l'idole des jeunes. Alors, Maxi Cuisine fait tout pour nous donner la patate, puisque les pages 24 et 25 sont consacrées à un dossier sur la patate douce, et les pages 34 et 35 le sont aux salades de pommes de terre. Merci Maxi Cuisine, mais non, ce n'est pas là qu'on trouve la réponse à nos questions, mais bien dans Elle, qui prend le risque de consacrer un long article d'investigation à Carla Bruni. Ah oui. Direct. On apprend qu'elle adore rigoler, qu'elle adore être première dame, qu'elle adapte son look aux circonstances, qu'elle pourrait devenir une nouvelle Teresa. Je vous assure, je ne déconne pas, c'est écrit dans le journal. Et que son garde du corps est un type hyper baraqué qui adore la littérature. Philippe, humour, amour, altruisme, fashion. Le panégyrique de Carla Bruni dans le magazine Elle, ce n'est pas grand-chose de plus qu'une interview des Jonas Brothers dans Star Mag. La compunction en plus. Vanitas, vanitatum, omnia vanitas. Merci, monsieur Maudy, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 171e épisode. Tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutrac, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite, c'est les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux sur qui je compte beaucoup et que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Sophie Moreno, et de Patrick Henry. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais et Elsa Denac. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires, ainsi qu'au formidable documentaliste de Lina et à Marion Cross, notre nouvelle stagiaire. Voilà, pour toutes les informations supplémentaires, la panique au Mangin Palace possède un tout nouveau site internet savamment ripolliné sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion. Voilà, la journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, on se retrouve dès le week-end prochain. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, chez France Télécom et ailleurs, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct.